Musique par Pierre Baldagne. Ce qui, dans Mademoiselle Élisabeth Raisin, avait enchanté Jules Maury, c'était sa grâce, sa fraîcheur et sa beauté. Dès le premier jour où il avait été présenté dans une maison amie, il s'était senti épris fortement. Un air réservé, mais pourtant un regard plein d'intelligence, une certaine fierté, allié un peu de mutinerie spirituelle, une éducation parfaite, l'oiseau rare. Jules Maury s'ennuyait dans la vie. Depuis longtemps déjà, il désirait se marier. Mais bien qu'il n'eût que 33 ans, il possédait assez d'expérience pour savoir qu'il ne faut pas se précipiter dans le mariage tête baissée. Il voulait réfléchir, bien connaître le terrain avant de s'y engager. Tant de ses amis, pour avoir été trop vite, avaient gâché leur existence. Mais cette fois, en vérité, Mademoiselle Raisin, avec ses 22 ans, lui apparut comme la compagne rêvée. Ils étaient du même monde. Les parents d'Élisabeth appartenaient à la bourgeoisie la plus honorable. La dot était importante. Toutes les circonstances se réunissaient pour convaincre Maury d'avoir à la décider. Et comme on a raison de dire que lorsque la veine s'en mêle, tout concourt à nous apporter du bonheur, la joie de notre amoureux ne connut plus de bornes lorsqu'il apprit que Mademoiselle Raisin était musicienne et qu'elle chantait. Maury adorait la musique. Mon Dieu, si Élisabeth était restée étrangère à Euterpe, elle attirait Maury par tant d'autres attraits qu'il l'aurait quand même passé outre. Mais puisqu'elle aussi aimait la musique, la joie de Jules devint extrême et bientôt, entre les deux jeunes gens, la musique fut l'essentiel de leurs entretiens. « Quelle délicieuse soirée nous passons ensemble !» disait Maury à sa fiancée. « Vous me chanterez du Schumann. »« Certainement, je vous chanterai aussi du Forêt. »« Que j'aime Forêt !»« Et Debussy, l'aimez-vous ? » ?»« Ah, les divines chansons de Bilitis !» « Mais, ma chère Élisabeth, chantez-vous aussi du Duparc ? La chanson triste, est-ce beau ?» Ainsi échangeaient-ils leurs pensées et bâtissaient-ils pour l'avenir tout un paradis d'allégresse. Malheureusement, et c'était une désolation pour Maury, jamais il n'avait eu encore l'occasion d'entendre Élisabeth. Ils étaient allés au concert ensemble, mais par suite de curieuses conjonctures, la jeune fille ne s'était pas encore approchée de son piano devant lui. Puis, brusquement, de ses oncles était mort, plongeant sa famille dans le deuil. On ne reculerait pas le mariage, mais on le célébrerait dans la plus stricte intimité. Dans tous les cas, on ne pouvait pas songer à faire de la musique chez les Raisins. Le mariage eut lieu. Aussitôt, Maury enleva sa femme comme une proie, et ils gagnèrent tous de l'Algérie, où ils avaient décidé de faire leur voyage de noces. Là encore, les jeunes époux s'occupèrent peu de musique, étant trop absorbés l'un par l'autre. Ce fut une lune de miel éblouissante. Maury connaissait le plus absolu bonheur et Élisabeth vivait dans un rêve. Au retour, ils s'installèrent, ce qui leur demanda quelques semaines. Le piano ne s'ouvrait toujours pas. Enfin, un soir, dans un home délicieusement aménagé, Jules put dire à sa femme « Ma chérie, je vais donc pouvoir t'entendre. Nous sommes seuls, bien enfermés chez nous. Nous ne craignons aucun raseur. Que vas-tu me chanter, mon amour ?» Les yeux illuminés, Élisabeth se dirigea vers son piano. « Veux-tu que je te chante l'invitation au voyage de Duparc, si je veux ?» Déjà Élisabeth préludait. Ses mains légères volaient sur les touches, l'air déjà s'emplissait d'harmonie. Maury s'enfonça dans un fauteuil et ferma les yeux. Élisabeth commençait. Un chat qui miaule, une porte mal graissée et qui grince, l'affreux crissement d'une scie dans une pierre de taille, tels furent les bruits qui vinrent assaillir Maury. Effaré, il regarda. De la bouche ouverte d'Élisabeth sortaient des sons étranges. La pauvre femme s'efforçait à atteindre ses notes, mais à chaque fois, elle restait en route ou les dépassait. C'était faux, effroyablement. Cependant, elle paraissait satisfaite. Elle fermait à demi les yeux, souriait aux évocations poétiques et assassinait la mélodie le plus tranquillement du monde. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna vers son jeune mari, rayonnante. « Est-ce beau ?» Et comme Jules restait hébété, elle ajouta « Je ne l'ai pas mal chanté, n'est-ce pas ?»« Exquisement !» fit Maury en s'étranglant. « Tiens, » continua Élisabeth, « ne quittons pas ce cahier, je vais prendre l'extase. »« Oui, oui !» prononça Maury. « Chante-moi l'extase !» Il pensait « Je viens d'avoir un cauchemar. Il n'est pas possible que cette charmante créature chante aussi faux et qu'il ne s'en doute même pas. Écoutons-la. Cette fois, ce sera charmant. » Élisabeth l'air pénétré, les yeux au plafond, murmurait. Sur ton sein pâle, mon cœur dort. Épouvante ! Il y a des choses pénibles, mais qu'on peut supporter. On s'accommode d'un mauvais caractère, on arrive à s'incliner devant certaines tyrannies, on excuse une femme d'être avare, de ne pas avoir d'ordre, mais il est impossible d'entendre chanter faux. Jules Maury est un homme de décision. Dès le lendemain, au moment de se mettre au piano, Elisabeth constate que trois cordes de l'instrument se sont rompues. « Ce doit être l'humidité, » dit Maury. « Je ferai venir l'accordeur, » répond Elisabeth. « Évidemment, c'est un petit malheur qui se répare vite. Jules n'a gagné que 2 jours. Il doit trouver autre chose. » Dès que sa femme se met à chanter, le voilà qui s'agite. Il soupire, il pleure, et après qu'elle a fini, il se montre d'une extrême nervosité. C'est une comédie qu'il joue sans grande peine, car chaque fois qu'Elisabeth chante, il a réellement envie de pleurer ou de casser quelque chose. Or, comme ces manifestations se renouvellent, les époux conviennent de faire venir un excellent ami de Jules, le docteur Goura, qui prend une mine sévère. Neurasthénie aiguë. La musique exaspère les nerfs déjà malades de Maury. Fermez le piano jusqu'à nouvel ordre. Ah, je n'ai pas de chance, s'écrie Jules en écrasant la main du médecin d'une étreinte reconnaissante. Il aimait tellement que je lui fasse de la musique, proteste douloureusement la jeune femme. Et il l'aimait trop, lança le docteur Goura d'une voix péremptoire. Elisabeth est arrivée en larmes chez sa mère, Madame Raisin. Madame Raisin ne veut pas croire ce que lui dit sa fille. Tous les dimanches, il sort seul. Est-il possible? Quelques dactylographes qui n'est libre que ce jour-là. Et souvent aussi le soir, après dîner. Ah, Jules me trompe. Je suis la plus malheureuse des femmes. Il semble pourtant si tendre avec toi. C'est ce qu'il y a de plus affreux dans mon cas. Il fait semblant de m'aimer encore, mais c'est pour m'étourdir, c'est pour que je ne me doute de rien. Il faut savoir, prononce Madame Raisin. Laisse-moi faire. Je finirai bien, moi, par découvrir sa complice, et je te jure que je ne permettrai pas qu'il te fasse souffrir plus longtemps. 8 jours après, l'excellente Madame Raisin recevait de l'agence Ernest, à laquelle elle s'était adressée, le rapport suivant. Le mercredi 17 avril, nous avons pris en filature la personne que vous nous avez indiquée au moment où elle sortait de chez elle à 8h30 du soir. Elle est allée à pied jusqu'à la salle Gaveau, où nous l'avons suivie. Pendant toute la durée du concert, cette personne est restée seule et ne s'est entretenue avec aucun voisin. Elle est sortie à la fin du concert et rentrée chez elle directement en sifflotant des airs. Le dimanche suivant, à 1h30 de l'après-midi, cette même personne nous a conduits jusqu'au théâtre du Châtelet où avait lieu le concert dominical. Nous avons pu nous asseoir à côté d'elle et échanger quelques propos. Elle nous a dit aimer beaucoup la voix de Madame Marguerite Aquila, pour laquelle voix elle s'était dérangée malgré un gros rhume. Et elle a ajouté qu'elle aurait préféré rester à la maison, mais qu'elle avait, par malheur, une femme qui chantait horriblement faux et qui lui écorchait les oreilles. C'était « Musique » par Pierre Baldagne.